Il est là, vivant aux zingues, un verre en guise de flingue, coule douleur, fais ton gringue, car tout ici est dingue. Petite sœur de ses nuits, dernier amour de sa vie, suicide consenti. Petite sœur de malheur, exhorteras-tu nos peurs, n'es-tu qu'un autre leurre, aboiement de dernière heure. Même couleur au fond de leurs yeux, plus de saveur dresse leur queue, même odeur au fond de leurs draps, posthume honneur d'antique. Débat. Âme donnée, jamais vendue, à ces petits corps dévêtus, à celles qu'on dit sans vertu. Aimer l'odeur de leur cul, comme on aime l'odeur de la rue. Chaque soir, il faut s'oublier. Jusqu'à la toute dernière gorgée de nos rêves éternellement foulés, vitances d'amour sitôt arrachées. Vomir sa bile au caniveau et pisser sur un poteau, relever le col du manteau. Et se dire qu'il est déjà si tôt. Alors il faut dormir enfin le rêve vide, les larmes au fond du bide, tué par trop de vermine d'une conscience sans bride.